Oui. Il existe un système code entre l'ambassadeur et ses gardes. Ah oui, je sais, mais on a le code. Changé la semaine dernière. Le service des écoutes qui vient de me prévenir. Qu'est-ce qu'on fait, on arrête tout, ça? Ça sera en ligne, tu peux en... Non, la mission est maintenue. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vous envoie un nettoyeur. Écoute, c'est ma mission. Ça fait 6 mois. Écoute, ferme-la. Les ordres, c'est les ordres. La mission est maintenue. Il reste prioritaire à toute autre action. J'en ai rien à foutre de ton nettoyeur de merde. C'est de bonnes vacances, c'est ça? Je commence à te connaître, toi et ton penchant pour les petits jeux sadiques. T'es un malade, Bob. Que tu le saches. Tu te sers de ton métier pour évacuer toute ta merde. Je suis content de te voir. Je suis assez nostalgique de l'époque où je t'avais tous les jours pour moi tout seul. Ambassadeur, dans 5 mois il rentre dans son pays, il faut le coincer avant qu'il parte. Tu t'organises comme tu veux, tu choisis ton équipe. À 5 mois, le chef veut quelque chose de propre et tout en douceur. C'est à toi. Faut toujours que tu fasses 2 choses à la fois. C'est ma façon d'aimer. We'll be right back.